Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le Nyon-Wendisio, un territoire non cédé, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console, à la mise en onde, à la diffusion sur les plateformes. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Christelle. Comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va bien. J'ai une meilleure voix que toi ce soir, donc je vais prendre en charge le blabla. Mais bon, je sais que tu es avec moi puis que tu peux me sauver en cas de doute ou de problème. Je vais présenter le menu de l'émission de ce soir. En fait, on fait une émission entièrement consacrée à Marginal, qui est un événement à multiples facettes et multiples volets. Donc, on prend toute l'heure pour vous présenter celle qui supporte cet événement et puis surtout toutes les activités prévues dans la programmation. On commence avec Sévia Pellissier, qui est directrice artistique de Marginal, qui va nous parler de l'expo Marginal en premier lieu. C'est une expo qui est déjà en montre présentement à la Charpente des Fauves. Ensuite, on s'entretient avec les artistes Jessica Martin-Lafont et Sonia Plourde, qui toutes deux présentent un livre d'artistes dans l'exposition. Et finalement, on termine l'émission avec le reste de la programmation, spécialement la contribution du PIEU, un organisme qui imprime et fait de multiples choses pour la communauté d'usines à Québec. Et on reçoit Léa Desmartis, qui est cofondatrice, je crois, du PIEU et qui vient s'entretenir avec vous, avec nous, de la collaboration avec À l'Est de vos empires dans le cadre de Marginal, et aussi avec Océane Roberge, qui est responsable des communications pour À l'Est de vos empires et qui travaille sur tout l'aspect des balados de Marginal. Pour la sélection audio de ce soir, Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous a proposé d'écouter Alias, un groupe de psych rock de Montréal, qui est l'idée par Emmanuel Alias. On écoute des extraits du dernier album Embrace Chaos, qui est paru en avril 2024, et on commence par le premier titre, Saigon. Re-bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, ici Christelle Tremblay, en onde live en studio, ici à CKRL, sur la 3e avenue dans Limoilou, et je suis en très bonne compagnie. Sévia Pellissier est avec moi au micro. Bonsoir Sévia. Allô Christelle. Très heureuse de te retrouver rapidement en début de saison pour l'année. Je vous attendais. C'est sûr. On se parle souvent dans le cadre de l'aéro, mais aussi à l'extérieur. Très active dans le milieu des arts visuels. J'essaye. Et là, tu nous proposes quelque chose qui a ébahi la communauté par son ampleur, mais aussi par la spécificité de ce que tu proposes avec Marginal. Fait qu'avant de plonger dans l'expo qui est en montre, que j'ai visité, que j'ai adoré, j'aimerais que tu m'expliques un peu la genèse de ce projet-là, qui est un projet de grande ampleur, que À l'Est de vos empires déploie pour nous, mais j'imagine que vous travaillez là-dessus depuis un an au moins. C'est une longue question avec beaucoup de réponses, mais tu sais, j'irai avec la genèse. Ça fait un an et demi que moi, personnellement, je travaille sur ce projet-là. J'ai entamé des recherches sur la question du livre d'artiste il y a un an et demi avec mes anciennes comparses, donc Paris Martin et Nathalie Racicot. Pour des raisons assez évidentes, Paris, en fait, étant décédée, le projet n'a pas eu lieu dans sa forme désiré au départ. Ceci dit, avec À l'Est de vos empires, on a décidé de reprendre cette idée-là de faire une exposition qui tourne autour du livre d'artiste. Vous le savez bien, la communauté des arts visuels à Québec, Paris Martin donnait un cours, en fait, sur la question du livre d'artiste depuis plusieurs années, et c'est une spécificité à l'Université Laval que de donner, en fait, le cours de livre d'artiste, et ce, depuis les années 80. On a un grand bagage de savoir là-dessus qui devait être transmis à la communauté. C'est donc ça, là, la genèse de Marginal. C'est l'idée de simplement donner un espace de diffusion aux livres d'artistes et plus largement, je dirais, aux questions qui existent dans la marge de deux disciplines, c'est-à-dire les arts visuels et la littérature. Donc, on a décidé de s'intéresser par le biais d'un grand festival à ça. Qu'est-ce qui existe entre les arts visuels et la littérature? Dans ces enjeux-là, on trouve le livre d'artiste. Parle-nous un peu de la marge comme thème, parce que là, marginal, ça évoque tellement de choses socialement, mais on n'est pas ici dans le social, on n'est pas dans les classes, ni les systèmes de représentation politique, ou non, on est vraiment dans un espace, un non-lieu abstrait. Ben, en fait, quand on a réfléchi au thème de la marge, c'était plutôt dans une logique purement plastique, purement graphique. La question, en fait, qu'on va vivre en autant en littérature qu'en art visuel, la question de ce qu'il y a autour. Donc, en art visuel, depuis plusieurs années, on parle souvent, en fait, d'enjeux qui sont liés au cadre, à ce qui existe autour d'une œuvre, par exemple. Puis, ben, en littérature, dans le format du livre, en graphisme, on va souvent parler de la question de la marge, en fait, de ce qui existe autour des choses. Ça pourrait être au niveau du thème de l'ornementation, si on veut, mais là, je m'égare, là, dans un plus grand thème. On revient à cette marge-là, qui est ce qu'il y a autour, en fait. Et on avait envie d'imaginer le livre d'artiste comme étant dans la marge de deux choses, donc à l'extérieur à la fois des arts visuels et de la littérature, pour voir ce qui existe entre les deux. Donc, c'est simplement ça le thème. C'est un thème qui se veut être graphique, qui se veut être tangible, qui se veut être plastique. Donc, on a majoritairement des artistes visuels que vous avez réunis, 15 artistes, une sélection quand même impressionnante, et puis des matérialités, puis des façons de tourner autour de la question du livre d'artiste qui sont vraiment diversifiées. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'expo? Peut-être la sélection que tu as faite des artistes, comment tu t'es amusée à composer ça pour nous? Oui, bien, d'abord, je dois dire, là, c'est une sélection qui a été faite par appel avec l'aide d'un jury, mais on a voulu, en fait, questionner, aller un peu à contresens de ce qu'on voit sur la question du livre d'artiste en général. C'est-à-dire que normalement, il y a plein d'experts qui ont donné des définitions extrêmement strictes, qui font des exclusions de ce qu'est un livre d'artiste. Nous, on a voulu aborder ce thème-là du livre d'artiste comme étant quelque chose qui est plutôt ouvert, qui est plutôt axé comme une matérialité, un médium à proprement parler. Donc, on a dans l'exposition des œuvres qui vont être assez classiques dans la forme du livre. Je pense au travail d'Isabelle Desroches, notamment, qui a créé un livre papier et où l'expérience esthétique se fait dans le choix des images et dans le choix des papiers, du rythme, de la narration qui se crée. Mais on a aussi des objets qui sont un peu plus... Objets, justement, livre-objet, comme on les appelle par définition. Je pense notamment au travail de Frédéric Laliberté, qui se trouve à être une petite galerie qui est un livre qui se déploie, qui se transforme en autre chose. Mais on a aussi des questions qui sont peut-être un peu plus abstraites, qui sont la question de est-ce qu'un livre d'artiste doit contenir du texte? Il y a plusieurs œuvres dans l'exposition, je pense au travail de Annie Toole, Chantal Blackburn. Les calendriers, qui sont des objets en tant que tels, mais qui ne sont pas nécessairement associés à du texte ou à des images. Donc, où on est dans cette question-là du livre d'artiste, dans sa question classique, ben on n'est pas là, on se pose plutôt la question de la matérialité et du médium. Et là, les 15 artistes sélectionnés sont venus t'ont confié leurs œuvres. Tu as fait une mise en espace qui permet aux gens de vraiment s'approcher beaucoup plus près que dans un espace de galerie traditionnel. Oui, on présente l'expo comme étant un espace où on peut toucher, voir, manipuler et lire. Donc, la majorité des livres sont dans l'espace et sont manipulables. Par contre, il y en a certains qui ont été exposés dans un mode plus installatif. Donc, on va retrouver une copie des livres sur une table de consultation dans l'espace. Les gens sont vraiment invités à taponner les livres, à les toucher, à voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y en a, par exemple, ça se passe avec les doigts, on doit sentir les textures. Je pense à certains livres, comme le travail de Sonia Plourde, à qui on va parler dans quelques minutes, qui sont des livres assez grands, donc on doit les déployer sur une table, souvent, pour les consulter. Et les publics sont invités à rester une heure, deux heures, s'ils veulent, si ça leur tente, à consulter des livres et en faire la lecture. Est-ce que tu as remarqué, parce que je sais que tu as gardienné l'expo, tu y donnes tout quand tu fais quelque chose, et est-ce que tu as remarqué des comportements du public dans la salle qui diffèrent de ce qu'on voit d'habitude dans des espaces d'exposition? C'est une excellente question sur nos enjeux qu'on aime en plus là, dans la mise en espace. Bien, d'abord, je remarque que les publics plus habitués à l'exposition sont comme un peu inquiets de faire quelque chose de mal en touchant des objets. Pourtant, c'est ceux à qui je fais le plus confiance dans l'espace. Il y en a certains qui vont décider de se prendre des gants au début et faire le tour de l'exposition avec des gants seulement. Je trouve que ça montre vraiment une volonté de prendre soin des objets, alors que c'est pas nécessaire, c'est pas toutes les œuvres qui doivent être manipulées de cette manière-là. Il y a certaines personnes qui veulent aussi vraiment jouer avec la matière, donc dans ce temps-là, on les dirige plus vers des endroits qui sont manipulables, des endroits qui des œuvres qui sont faites pour ça. Ce que je remarque, c'est vraiment une grande sagesse, en fait, des publics. Je suis surprise à quel point ils font attention aux œuvres, à quel point ils sont intéressés par ces objets-là, à quel point ils restent. Puis, la chose qui me fascine le plus, c'est qu'étant donné qu'on est dans la charpente des fauves, ben c'est un lieu qui est multidisciplinaire. Donc, les gens qui nous rencontrent, c'est souvent des artistes de d'autres disciplines que des arts visuels ou de la littérature. Et je suis surprise de voir à quel point ces gens-là ont du plaisir dans l'expo et vivent un moment qui est purement esthétique dans des codes qui sont pas nécessairement celui des arts visuels, mais pas non plus ceux de la littérature. Alors, on joue vraiment dans une marge commune, j'ai l'impression. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à quel point on socialise les enfants rapidement avec la lecture à travers l'objet livre, puis à quel point ça nous accompagne tout au long de notre vie, la fréquentation, de la manipulation d'un livre. Donc, on est dans un rapport près de l'intime aussi. Absolument. Avant de terminer cette entrevue avec toi, Sylvia, j'aimerais qu'on parle de vos expos satellites, parce qu'il y a des petits satellites, deux, en parallèle de Marginal. Oui. En ce moment, en fait, dans la galerie de Manif d'art, il y a l'exposition « Appréhender l'effondrement », qui est une œuvre basée, en fait, inspirée de livres d'artistes qui ont été faits par Catherine Valois. Donc, c'est une installation qui va être là jusqu'au 27 octobre, donc plus longtemps que l'exposition centrale. Faut voir ça, c'est un mélange entre la céramique, la poésie, le livre d'artiste. On est dans un univers très délicat et brut à la fois. Et plus tard, en fait, dans la saison, on va retrouver une exposition d'art sonore qui va avoir lieu chez nos collègues à Avatar. Donc, on va présenter une œuvre d'art sonore pendant 3 jours. Les publics vont être invités à vivre la médiation directe comme on fait là depuis le début des expositions marginales. Fait que pour aller voir l'expo, on va à la Charpente des Fauves. C'est sur Christophe Colomb, c'est l'ancienne Maison Jaune. Tout le monde sait maintenant c'est où la Charpente. On monte au premier étage, à la Galerie Fauve, un espace, un cube blanc, qui est tout à fait rempli, ouvert, admissible, admettant toute personne qui veut se frotter à cette expérience-là que vous proposez. C'est ouvert du jeudi au dimanche. De 12h à 17h. Exactement. Jeudi, vendredi, je vous accueille. Samedi, dimanche, c'est les responsables du PIEU qui ont une toute autre manière de présenter les œuvres et qui ajoutent vraiment une expérience différente. On leur parle avec toi un peu plus tard dans l'émission. On part en pause musicale. Cette fois-ci, on écoute une piste qui s'appelle Empty Head et on revient au retour de la pause avec deux artistes qui présentent à Marginal, Jessica Martin-Lafont et Sonia Plourde. Rebienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro. On est en studio avec deux artistes qui présentent deux livres d'artistes dans l'exposition marginale en montre à la Charpente des Fauves, dont Sylvia Pellissier nous a bien présenté le contexte, la genèse. Maintenant, les artistes Sonia Plourde et Jessica Martin-Lafont vont pouvoir nous parler de leur démarche plus personnelle et comment le livre d'artiste prend de la place. Quel choix elles ont fait avec ce médium-là. Bonsoir, Sonia. Bonsoir, Christelle. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je me sens très privilégiée de vous avoir toutes les deux en studio. Mais merci pour l'invitation. Alors, moi, j'ai eu la chance de voir vos livres dans l'espace d'exposition, mais j'aimerais, pour les auditeurs, peut-être vous situer un peu plus dans le champ des arts visuels. Est-ce que tu serais d'accord pour nous présenter ta démarche d'artiste? Oui, mais je peux parler de ma démarche, mais je peux aussi plus parler de ma démarche par rapport à cette œuvre-là, peut-être, vu que c'est peut-être pertinent là, d'axer plus sur ce projet-là. C'est un livre que j'ai fait en réaction à un événement qui s'est passé dans ma vie professionnelle. J'avais un atelier dans un bloc où il y avait plusieurs ateliers d'artistes, où il y avait différents ateliers de travail. Puis, on a eu un avis d'éviction au moment où le bloc a été... un petit moment après que le bloc ait été vendu. En fait, le bloc a été vendu, puis ensuite, il y a eu une lente... une lente désertion des locataires, là, petit à petit. On parle des ateliers de la barricade. Hein? Oui, c'était le 17 de la barricade. C'était un atelier là, qui est à côté du Musée de la civilisation, dans le secteur du Vieux-Port, Petit-Champlain. Et puis, il y avait beaucoup de gens dans ce bloc-là qui, il y en avait qui vivaient là, il y en avait qui avaient un atelier, mais qui avaient comme une chambre aussi, qui était parfois temporaire, parfois permanente. Puis, c'était vraiment un endroit où il y avait une grande diversité de gens, une grande diversité d'âge, de culture. C'est un endroit où qui s'était créé de façon organique. Le propriétaire d'avant, il avait tendance à faire confiance aux gens, puis il regardait, il jugeait au feeling, d'après moi, puis il acceptait un peu toutes sortes de monde, puis il y avait une cohabitation de toute cette diversité-là qui fonctionnait vraiment bien. Puis, la plupart du temps, là, comme n'importe où, là, il peut y avoir des petits accros, mais c'était une société, finalement. C'était un peu comme une petite représentation d'une société par sa diversité, par son... Puis je trouvais que c'était... Il y avait quelque chose de fascinant dans les petits univers secrets qu'il y avait derrière chaque porte. Alors, une de mes premières réactions, quand j'ai su que le bloc avait été vendu, puis que j'ai fait mes petites recherches pour savoir c'était qui l'avait acheté, là, j'ai voulu essayer de garder une trace de tout ça. Alors, on a entrepris avec un autre locataire qui est réalisateur de faire des entrevues avec les gens. Fait que le documentaire n'a pas encore vu le jour, mais en attendant, moi, j'ai pu au moins mettre au monde un livre d'artiste qui retrace ces rencontres-là, finalement. Toutes les textures qu'il y avait à travers ces personnes-là là, qui étaient toutes sous le même toit, qui vivaient toutes de façon quand même assez solitaire, individuelle pour la plupart, mais qui avaient, en tout cas dans le cas de plusieurs personnes là-bas, qui pouvaient se rattacher ensemble par une sorte de filet de sécurité, même si c'était des gens, surtout des messieurs un peu âgés, là, il y en avait beaucoup qui étaient assez solitaires, mais ils savaient qu'ils pouvaient demander... qui pouvaient demander service aux autres. Ils savaient qu'il y avait quand même des gens qui étaient là pour eux. Puis c'est dans la désertion, finalement, de ce bloc-là, puis sa transition, tout ça allait se perdre. Puis c'est ce que j'ai voulu aussi exprimer dans mon livre, dans ma façon de le faire. Là. Ton livre s'appelle donc le 17, qui était l'adresse des ateliers où tu... Oui, c'est ça. T'avais toi aussi, oui, tu faisais partie aussi, j'étais là. Cette communauté. Je faisais partie de la diversité. Et le livre est un livre-objet, il s'agit même d'une petite sculpture qui contient des cahiers, 5 cahiers dans lesquels tu as agencé, monté en quelque sorte l'ensemble des réalités que tu nous partages généreusement. Oui, dans le fond, chaque carnet évoque un étage de l'immeuble, puis il y a un coffret qui les rassemble, qui est en forme d'édifice avec des petits trous, des petites fenêtres là, qui sont percées ouvertes, puis par lesquelles on peut voir les couvertures, on peut voir les gens dans les fenêtres sur les couvertures des cahiers qui sont à l'intérieur. Je vais poursuivre avec Jessica. Jessica, toi, est-ce que tu aimerais nous parler un peu plus de ta démarche? Je sais que ton livre, celui qui est présenté à l'exposition Marginale, a été exposé l'hiver dernier, si je ne me trompe pas, Fleur de peau, une exposition qui avait été montée à la salle Alphonse Desjardins. Ton livre est une expérience très interactive, très spéciale. En quoi ça témoigne de ta démarche? Allô, en fait, moi, je suis une artiste qui s'intéresse beaucoup justement aux livres d'artistes. Donc, j'ai trouvé ça très pertinent. Là, quand j'ai vu l'appel, j'ai vraiment sauté dessus. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités là, à Québec de présenter des livres d'artistes. Donc, c'était vraiment excitant pour moi. Puis, moi, je suis une artiste essentiellement. Le travail que je fais a une dimension, je dirais, de réappropriation. Puis de... dans le but d'une guérison, là, dans le fond, dans tous les objets que je fais. Donc, ce livre-là cadre vraiment avec cette démarche-là qui est un exercice là, cathartique de revivre des traumatismes, mais d'une façon sécuritaire, en me réappropriant la narration, puis comment qu'on vit l'expérience de ces objets-là, dans le fond. C'est une des questions d'ailleurs que j'avais préparée pour chacune d'entre vous, c'est-à-dire comment on se sent quand on voit les regardeurs, les visiteurs manipuler son livre. J'imagine que les auteurs, en fait, ont peut-être même ce fantasme-là de regarder quelqu'un lire leur livre. Il y a quelque chose dans le rapport intime à l'objet qui se déploie. En tout cas, moi, comme lectrice, je m'approprie vraiment l'objet livre. Je ne sais pas comment vous, toi, Sonia, tu as trouvé l'expérience d'avoir ton livre en salle manipulé par une foule de personnes qui passent dans le lieu d'exposition. Ben, c'est vraiment une expérience. C'est fantastique de pouvoir partager ça avec, avec les gens puis de voir leur réaction. Moi, c'est sûr que j'ai tendance à les regarder. Puis idéalement, s'ils ne savent pas que c'est moi qui l'ai fait, c'est encore mieux là, parce que là, je garde mon anonymat puis je fais juste. C'est aussi. C'est ce qu'il y a de beau avec le livre aussi, c'est que, ben en tout cas, ça dépend des livres, là, mais moi, je ne suis pas représentée dans le livre. Là. J'ai pas fait de page à, parce que les pages représentent des. Il y a des pages qui représentent des gens et leur environnement dans leur espace de l'immeuble. Mais moi, je ne me suis pas mise dans le livre, là, mais j'ai écrit des textes dans le livre, puis c'est nécessairement une façon, c'est ma perception de ce qu'il y a aussi. Fait que j'aime ça, voir comment les gens le feuillettent, le manipulent. Ben, de toute façon, c'est toujours intéressant de voir comment les gens manipulent l'objet qu'est le livre, là. Moi, j'aime regarder les gens, regarder ce que les gens lisent dans l'autobus, bon. Oui, c'est une saine curiosité, hein? Oui, ben oui, c'est ça. Pour toi, Jessica? Pour moi, je crois que surtout cette œuvre-là prend tout son sens, en fait, au contact de l'autre. Je crois que l'œuvre n'existe pas vraiment avant que quelqu'un en fasse l'expérience. C'est une œuvre qui est vraiment faite pour être manipulée. Veux-tu nous décrire le dispositif oui, que tu as créé? Dans le fond, c'est un boîtier que j'ai fabriqué en merisier... de contreplaqué, puis il y a des gants de soie qui sont à la grandeur de mes mains, dans lesquels on doit insérer les mains dans le boîtier vitré afin de pouvoir feuilleter le livre. Donc, c'est un livre qui est absolument sensuel. C'est un livre qui parle du corps, qui parle vraiment dans ses textures, dans sa matière. Donc, ce sont des matières très sensuelles comme le textile, le velours, qui a des symboliques très sensuel aussi, qui s'appelle au sens. Donc, vraiment des représentations de gestes, de toucher, de fruits, d'odeurs, de toutes sortes. Mais le principe, c'est en fait, on ne peut pas y toucher parce qu'on a les mains gantées. Donc, pour moi, c'était un processus de réappropriation, de décider en fait le protocole par lequel on aurait le droit de toucher à ce livre-là, puis par lequel on prend faire l'expérience. Donc, pour moi, c'est toujours une expérience spéciale de voir les gens... absolument inconfortable, que leurs mains rentrent pas bien dans le boîtier, manipuler, mais pas pouvoir toucher. Puis cette frustration-là, pour moi, c'est vraiment ça qui fait prendre tout son sens à l'œuvre. Oui, mais tu parles de frustration, puis je suis sûre que tu en as vu, là, j'en suis convaincue. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est toujours un line-up derrière ton dispositif. Il faut s'armer de patience pour pouvoir expérimenter par soi-même, parce qu'il y a vraiment un désir de jouer le jeu qui est généré chez le public, en fait, pour vos deux livres-objets. Vraiment, félicitations, parce que moi, vous m'avez fait sortir du cadre du livre normatif pour visiter des marge, en tout cas, entre les arts visuels et la littérature. Je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup. À l'émission. On part en pause publicitaire et en pause musicale, et au retour, on s'entretient avec Léa Dupieux et avec Océane d'Alès de vos Empires. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, en onde sur 5ARL, dans les studios, en compagnie de Léa Desmarty. Oui, c'est ça. Allô, Léa. Ah, bonjour. Et de Océane Reverge. Bonsoir, Océane. Allô. Alors, ces deux personnes ont accepté de jouer le jeu de la radio pour venir parler de leurs contributions respectives puis des événements qui s'en viennent dans le cadre du festival Marginal. Donc, Marginal, c'est une expo. On en a parlé en début d'émission. On a parlé avec des artistes qui présentent leurs livres d'artistes. Mais c'est aussi beaucoup d'autres événements. Une grosse programmation qui se déroule jusqu'au mois de décembre. Alors, Léa, on commence avec toi. Parfait. Léa, j'aimerais que tu nous parles du Pieux, qui est un centre d'impression, un atelier. Oui, bien, on dit, nous, on parle du Pieux en disant qu'on est un atelier autogéré dans les pratiques d'édition, d'auto-édition. Donc ça, c'est quoi ça, l'auto-édition un peu? Mais on est un lieu où les gens peuvent venir travailler de manière libre et autonome sur leur pratique de zine, de livre d'artiste, de peu importe, c'est des calendriers, des revues, sur leur pratique d'imprimer des choses. Puis on fait de l'accompagnement technique, des contrats, ces choses-là. Tout qu'est-ce qui est relié à l'édition. Et toi, tu fais partie de la gang de départ, cofondatrice de cet atelier-là. Tu me disais que vous célébrez bientôt vos 2 ans. Oui, fait qu'il y a 2 ans, nous, on était 2 collectifs, là, le collectif La Fatigue et le collectif Le Bestiaire, qui faisaient des zines, des livres d'artistes. Puis on a réalisé qu'il n'y avait pas de place où imprimer. Fait qu'on s'est dit qu'on allait créer un lieu avec des machines. Puis là, on s'est dit, ben, faut que ce soit accessible au public. Fait que finalement, il y a 2 ans, on a eu un local à la Charpente des Fauves, puis on a ouvert. Puis ça fait déjà 2 ans, ça passe vite. Et là, vous avez des plages d'ouverture qui sont communiquées hebdomadairement. Les gens peuvent venir sur place faire leurs propres impressions, utiliser vos ressources. Vous avez plein de matériel à disposition. Oui, bien, on a plein de types d'imprimantes, des risographes, des imprimantes normales. On a de quoi pour faire de la reliure comme un livre commun. On a plein de types de reliure, plein de machines. C'est vraiment un terrain de jeu. Puis on invite les gens à juste venir se présenter, jouer, apprendre à découvrir ce médium-là qui est le livre d'artiste, puis s'amuser avec nous. On est là pour aider. Puis en tout temps, même à l'extérieur de Marginal, il y a plein de zines puis de choses qui ont été imprimées chez vous qui sont en consultation au pieu. Oui, fait qu'on peut venir aussi s'inspirer puis parler avec vous. Tout à fait. Il y a un petit salon, on peut lire les zines. On aime ça rencontrer les gens. Il faut que ce soit un lieu pour rencontrer les gens autour de ça puis qui s'intéressent à ça aussi. Bon, passons aux zines. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un zine par rapport à un livre d'artiste? C'est vraiment la question qui tue. Je pense que moi, où je définis ça, la limite entre le zine et les livres d'artistes, c'est que le zine, comme le livre d'artiste, est un livre auto-publié, auto-fait, fait que c'est pas fait avec une maison d'édition, il y a pas de... c'est toi-même qui le fais à la maison ou puis tu le diffuses toi-même par tes propres moyens. Moi, le zine, je pense que c'est dans l'intention que c'est différent. Je pense que le zine, c'est dans... peut-être qu'il y a une intention plus de quantité, de diffuser quelque chose en large masse, un peu plus, tu vas pouvoir faire plus d'exemplaires, tandis qu'un livre d'artiste, il y a quelque chose dans créer un objet un peu plus noble, un peu plus... que tu vas pas faire en grande quantité parce que, par exemple, c'est dans une boîte vitrée. Prenons l'exemple de Jessica. Mais pour moi, c'est là que je définis la ligne, mais c'est une grosse question. C'est une très, très belle façon de mieux saisir, en fait, les deux univers. Là, il y a une foire que vous avez déjà tenue dans le passé, ou en tout cas collaborée de très près, qui est maintenant intégrée au Festival Marginal et qui s'en vient en octobre, la foire du Zine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben oui, ben il va y avoir à peu près 10 tables, mais il peut y avoir de 10 à 20 exposants, donc ça dépend qui ça implique. Les gens s'inscrivent, viennent avec leur propre pratique, prennent une table, c'est le samedi et dimanche, puis les gens sont invités à venir consulter, se promener, voir, acheter, lire ce que les artistes font dans la ville de Québec et Montréal peut-être, dépendamment qui s'inscrit. Généralement, on connaît bien, ou en tout cas, moi, j'ai bien connu Exposine à Montréal, qui est une immense foire de ce type-là. On trouve de l'estampe, toutes sortes de pamphlets, plein d'affaires DIY, des macarons. C'est vraiment une foire très accessible, avec un esprit un peu punk. Est-ce qu'on peut s'attendre au même genre d'esprit? Je pense que oui, mais en même temps, je pense que vu que c'est avec à l'Est de vos empires, puis qu'on va aussi inviter le monde du milieu des livres d'artistes, je pense qu'il va y avoir un bel amalgame, un peu différent peut-être que Exposine, où il va y avoir le milieu des arts visuels, qui sont moins là des fois, et le milieu plus zine, punk, auto-édition, peu importe. Fait qu'il va y avoir une belle combinaison là-dedans, je pense. Ah, c'est super, ça promet ça. Ça va être à la Charpente? Oui, à la Charpente des Fauves. Et c'est le 20 octobre? Non, c'est pas le 20 octobre, c'est le 26-27 octobre. Oui, c'est ça. Désolée, on a changé les dates un peu. Yes, c'est super. 25-26-27 octobre, Salon d'usine et livres d'artistes. Bon, alors, première chose, check. Deuxième chose, c'est que vous êtes en fait aussi collaborateur de l'expo qui est en montre à Marginal. Donc, le pieu est ouvert dans les mêmes plages d'ouverture que l'expo, puis vous accueillez les gens au sein de votre atelier. Oui, bien, pas tout le long des plages horaires, mais le samedi dimanche, le pieu est ouvert en même temps que l'exposition. C'est dans le but que les gens viennent voir l'exposition, mais viennent aussi, peuvent voir aussi comment ça ressemble à quoi, un lieu où les gens créent ces livres-là. Puis les gens peuvent venir dans l'atelier, peuvent venir jouer sur les machines s'ils veulent aussi. Donc nous, on a comme le plaisir de tenir ces deux lieux-là ouverts, puis de voir comment ils collaborent. puis l'un amène l'autre. C'est vraiment intéressant. Les gens du pieu vont voir l'expo, les gens de l'expo viennent voir le pieu. Il y a quelque chose de... Il y a un dialogue vraiment le fun. Ouais, puis ça démystifie un peu c'est quoi un centre d'artistes autogéré. Ça peut avoir l'air un peu pas la place où tu te sens bienvenu quand tu connais pas un peu ces espaces de production ouverts pour la communauté, par la communauté, mais en fait, c'est la façon la plus simple de se mettre à produire que de se pointer dans des ateliers ouverts comme ça. Ben vraiment, nous, on a eu un tas de personnes différentes, là, d'une mère qui parlait de son enfant, qui a écrit un livre sur son enfant, tu sais, c'est tellement diversifié, puis c'est le fun que ça soit accessible pour les gens. On veut qu'il y ait plein de types de personnes qui viennent. Par ailleurs, vous faites un atelier de création de zine. Oui, on fait un atelier de création de zine. Ça va être autant pour les personnes qui débutent, qui n'ont jamais touché à ça, que les personnes qui veulent être un peu plus poussées à voir. Puis il va y avoir différentes formations. Les gens vont pouvoir venir. Ça va être sur une fin de semaine, sous inscription. Puis les gens vont pouvoir venir utiliser les machines, apprendre comment ça fonctionne, puis partir avec une création à eux. Puis vous commencez à avoir pas mal d'expérience, là. Il me semble que vous avez donné pas mal d'ateliers dans la dernière année. Un atelier spécialisé pour la communauté queer, un autre avec des jeunes plus marginalisés. Donc, il y a vraiment comme un savoir qui est en train de se transmettre à partir du pieu, là. Oui, on aime vraiment ça. C'est ça, on en a donné aux adolescents, on en a donné avec des centres communautaires, le centre communautaire Jacques Cartier. On en a donné très poussé aussi sur des recherches avec l'anthropologie de la culture queer au sein d'usines. Fait que, tu sais, des trucs très... plein de... autant nichés que très accessibles. C'est le fun à jouer avec aussi. Bon, mais j'espère qu'on aura piqué la curiosité de certaines personnes. Je continue avec Océane parce qu'il y a tout le volet balado du Festival Marginal que j'aimerais qu'on plug comme il faut. Alors, je te laisse nous présenter un peu ce pan-là du festival. Ben oui, parce que comme le disait Sylvia tantôt, en plus des expositions, des performances, on a le balado marginal. C'est quoi le balado marginal? Ben en fait, c'est 4 épisodes enregistrés devant public, donc à la Charpente des Fauves, mais le dernier épisode va être à la Maison de la littérature. Donc il y a vraiment 4 épisodes, un en septembre, un en octobre, un en novembre, puis le dernier en décembre. Et chaque mois, en fait, là, on invite 3 spécialistes à discuter justement d'une thématique spécifique, à soulever les enjeux et à interagir avec le public parce que c'est sous formule de table ronde. Donc, on veut vraiment que le public vienne interagir avec les spécialistes. Puis ça rejoint un peu une des grandes missions de À l'aise de vos empires, qui est de jaser d'art, de diffuser les discours sur les arts et de prendre part à la communauté. Finalement, c'est ça, en fait, je peux peut-être te parler un peu des thématiques de chaque mois. Donc, le premier enregistrement va se tenir le 28 septembre, donc c'est à midi à la Charpente des Fauves, et c'est sur la thématique du livre d'artiste, ses fonctions, sa matérialité. Ensuite de ça, on a littérature et photographie, puis littérature et art sonore, et finalement, l'usine. Donc, le premier, ça porte sur le livre d'artiste. Mm-hmm. Mais le deuxième, là, on plonge dans quelque chose qui est un peu plus, bon, spécifique encore. Et là, les invités vont tous être des spécialistes? Oui, ils ne sont pas encore dévoilés, mais ça va venir. Ah, hein? On aurait aimé ça, avoir des primeurs, parce qu'en plus, je le sais que vous travaillez fort là-dessus. Bon, alors, j'imagine que les invités de ce deuxième balado, littérature et photographie, vont être annoncés sur Facebook. Il suffit de suivre vos réseaux sociaux pour savoir qui sera invité. Oui, sur notre site web aussi, puis c'est ça, notre site web, là, tout ce qu'on a parlé depuis tantôt, là, ça se retrouve là-dessus aussi. Donc, samedi le 26 octobre à midi, c'est le rendez-vous littérature et photographie. Le mois suivant, le 10 novembre, tu nous parlais de littérature et art sonore. Mm-hmm. Bon, le lien, là, de moins en moins proche-proche, là. vous êtes allé de plus en plus en vous éloignant de ce qu'on pense de premier abord quand on pense au livre. C'est ça, on voulait vraiment explorer la marge, aller en dehors de ce qu'on considère comme l'usine, le livre d'artiste, donc au-delà de l'objet textuel. Voilà. Alors, le lieu, ça sera toujours à la Charpente. L'enregistrement, c'est toujours de midi à 13h30. Donc, oui. Bon, vous nous éloignez en termes de thématique, mais au niveau de la prog, là, c'est tight. On a une séquence assez facile à suivre là, les dimanches à midi pour aller assister à cette table ronde, poser des questions. Et puis, j'imagine qu'il y aura des intervenants aussi sur place pour jaser à l'extérieur de la table ronde. Oui, exactement. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que le 28 septembre, on a, dans le cadre des Journées de la culture, sur un événement spécial, là, une petite activité satellite, où ce qu'on invite les gens à venir au pieu, et ensuite il y a une visite guidée, commentée de l'exposition marginale, puis ensuite on vous invite là, à venir nous rejoindre dans les studios d'enregistrement. OK. Fait que la visite guidée, là, c'est vraiment là, le hall dressed, là. T'as toutes les explications, toutes les médiations, tu peux toucher à tout, ça va être merveilleux. OK. Alors, maintenant, il reste une activité, le 1er décembre. Oui. Qui a lieu à la Maison de la littérature. En fait, dans le hall Méduse, on a le lancement de Renaud Salvaille, son livre. C'est Donc, c'est le jeudi 10 octobre 2024 à 18h. Hein? Si je ne me trompe pas, c'est Vu qui fait le lancement de Renaud Salvaille. C'est exactement ça. Et puis, c'est un livre qui est en production depuis de nombreuses années, bien avant le décès de ce grand photographe-là de la Ville de Québec. Et le lancement de livre vient vraiment comme un point d'heure, là, rallier la communauté autour de sa pratique. Je pense que ça va être un moment à la fois de rassemblement, mais peut-être aussi d'émotion pour l'ensemble de la communauté photographique. Donc, le rendez-vous, c'est à Méduse? Oui, dans le hall. Dans le hall. Quelle journée? C'est le jeudi, 10 octobre. 10 octobre. Bon, alors maintenant, il nous reste dimanche 1er décembre, le zine à la Maison de la littérature. On va laisser Sylvia nous en parler. Ah oui, c'est ça, oui. À la Maison de la littérature, dernier enregistrement de notre balado. Donc, ça risque d'être très, très chouette. On vous invite à venir en grand nombre. Mais là, j'imagine que le Pieu va faire partie des invités. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment en collaboration avec le Pieu. Bon, au moins, on en connaît un. OK. Alors, Océane, toi, tu viens de te joindre à l'équipe d'Alès de vos empires. T'occupes les fonctions de responsable des communications. J'imagine que tu vas être présente tout au long du festival. Oui. Donc, c'est toi qui réponds aux courriels si les gens ont des questions, qui font le suivi. Exactement. Alors, c'est toi qui animes aussi la page Facebook, les réseaux sociaux, Instagram. Exact. Donc, si c'est pas clair, si quoi que ce soit reste à découvrir, les gens pourront t'écrire et tu vas leur fournir toutes les informations. Oui. Super. Bien, je vous remercie beaucoup toutes les deux pour ce magnifique entretien. On s'en va en pause musicale et au retour, on fait un bref, mais costaud agenda de la semaine. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et c'est l'heure de vous présenter l'agenda culturel de la semaine. Alors, on a sélectionné Mathilde Harvey et Morin et moi, quelques activités qui sont à mettre à votre agenda cette semaine pour ne pas manquer l'effervescence de tout le milieu culturel de Québec. On commence ce jeudi à Espace Parenthèse, qui est fier de présenter l'exposition État Plasma, qui est une installation rétro-futuriste des artistes Gabriel Fortin et Marianne Tremblay, du 19 septembre au 11 octobre. C'est un vernissage qui est ouvert au grand public, qui aura lieu jeudi le 19 septembre, dès 16h, en présence des artistes. Encore ce jeudi, c'est la Maison de la photo de Québec qui est fière de nous convier dès 17h au vernissage des expositions photographiques Québec, moment d'éternité d'Éric Côté et Boomtown Holy Void de Marie-Raphaëlle Leblond, une exposition qui est à voir à l'espace 400 à la salle 220 du 20 septembre au 20 octobre 2024. Enfin, ce vendredi 20 septembre, on célèbre le finissage de la cabane numéro 4 à la Charpente des Fauves dès 17h. Ce projet, cabane numéro 4 Work in Progress, s'inscrit dans la recherche artistique d'Édouard René Coulombe, qui explore l'absurdité de l'art et de la vie à travers diverses facettes de l'habitation. Usuel, relationnel, ludique et romantique. Inspiré par le fantastique enfantin et l'envie de transformer l'expérience commune, il propose une installation éphémère qui construit un monde insolite où l'art de la réception devient une forme d'expression. La cabane numéro 4 fusionne des matériaux variés, achetés ou trouvés, neufs ou usagés, fonctionnels ou décoratifs. Édouard René Coulombe se crée ainsi un terrain de jeu artistique conçu pour générer des événements et des ambiances uniques, où l'inutile devient source de plaisir et de convivialité. Imaginez des soirées Tupperware revisitées avec une touche d'absurdité et un soupçon de souper presque parfait, simplement pour le fun. Alors, ce vendredi, c'est la dernière chance, c'est le finissage. Allez faire un tour dans la salle en bas de la charpente, la salle toute noire, parce que il y a un spa avec de l'eau, il y a une cabane construite dans une salle de spectacle, dans une charpente. Alors, c'est vraiment un must, je pense, pour... dépasse des limites de ce que j'avais cru possible dans une installation. Enfin, ce dimanche 22 septembre à 15h, vous êtes conviés au lancement d'Inter 144 Theatrum Mundi, qui est sous la direction de Martin Nadeau et d'Alain Martin-Richard. D'ailleurs, au lieu ce dimanche à 15h, Alain Martin-Richard sera présent et va faire une présentation de la revue. Il y a dans ce numéro d'Inter des perches qui ont été tendues par Alain Martin-Richard auprès de différents artistes. Il s'agit dans tous les cas d'inventer des stratégies et de tester des outils pour inscrire le théâtre du monde en y injectant des manipulations inouïes. Les grammaires esthétiques présentées ici constituent une formidable incursion dans les débordements du corps matériau et de l'esprit tentaculaire des derniers humains de la Terre en quête de nouvelles narrations. Art vivant et art visuel s'entremêlent dans un joyeux foisonnement. Alors, c'est un rendez-vous. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatial, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produit et diffusé par Mathilde Harvey-Morin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur les plateformes Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées en suivant le fil de l'Aérospatial. On vous invite également à suivre les pages Facebook et Instagram de l'Aérospatial pour avoir des petits previews des invités à venir dans les prochaines semaines et des petits snapshots de ce qui se passait en studio avec les invités qu'on a eu la chance et le plaisir de recevoir. D'ailleurs, un grand merci à nos invités, Sylvia Pellissier, Jessica Martin-Lafont, Sonia Plourde, Océane Roberge et Léa Desmartis. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.